Chapitre 16e, Musquois se civilise. Au grand soulagement de Musquois, les trois hommes ne tardèrent pas à s'éloigner de lui pour s'employer autour du feu. Il pensa que c'était là une occasion unique de leur échapper et il tira sur la corde au point de s'étrangler à moitié. Finalement, désespéré, il abandonna la partie et se recroquevillant au pied d'un sapin, il se mit à observer le camp. Il n'était pas à plus de 30 pieds du feu. Bruce lavait les mains dans une cuvette de toile. Langdon s'essuyait le visage avec une serviette. Metoussin était agenouillé auprès du feu, et de la large poêle qu'il tenait au-dessus des tisons montait une odeur de grillade, l'odeur la plus appétissante qu'eût jamais connue Musquois. L'air autour de lui était chargé de l'arôme de bonnes choses. Lorsque Langdon eut fini de s'essuyer la figure, il ouvrit une boîte de lait condensé sucré. Il enversa le contenu blanc dans un poêlon et s'approcha avec de Musquois. L'ourson, qui n'avait pas réussi à fuir sur le sol, se mit à grimper à l'arbre. Il se déplaça si vite le long du tronc lisse que Langdon en fut étonné. Tandis que le romancier déposait le récipient au pied du sapin, Musquois ne cessa de gronder et de cracher dans sa direction. Il demeura cramponné au tronc au bout de sa corde, et pendant longtemps, les chasseurs ne firent plus attention à lui. Il les voyait manger, il les entendait parler, élaborer un nouveau plan de campagne contre tir. Il s'agit de l'avoir par surprise après ce qui s'est passé aujourd'hui, déclara Bruce. Plus la peine de le pister dorénavant, Jimmy. Nous pourrions le pister jusqu'à la Saint-Sylvestre, il nous éventrait toujours. Il s'arrêta de parler et écouta un instant. Curieux que les chiens ne reviennent pas, dit-il. Je me demande. Impossible, s'exclama celui-ci en devinant la signification du coup d'œil de son compagnon. Bruce, tu ne prétends pas que l'ours nous les ait tous tués? J'ai chassé pas mal de grizzlies dans ma vie, répliqua tranquillement le montagnard, mais je n'en ai jamais chassé de plus malin que celui-ci. Jimmy, c'est dans une embuscade qu'il a fait tomber nos chiens sur la corniche. C'est par ruse qu'il a eu celui-ci sur le pic. Il est parfaitement capable de les acculer dans un coin, et dans ce cas-là. Il haussa les épaules significativement. Langdon écouta de nouveau. S'il en restait de vivants à la tombée du jour, ils ne tarderont pas à paraître, émit-il. Je regrette maintenant. Je regrette de n'avoir pas laissé la meute à la maison. Bruce éclata d'un rire un peu âpre. C'est la fortune de la guerre, Jimmy, dit-il. On ne chasse pas le grizzly avec des chiens d'appartement. Il faut s'attendre tôt ou tard à en perdre. Nous nous sommes attaqués à plus fort que nous. Voilà tout. Il nous a battus. Battus. Il nous a battus en jouant franc jeu encore. Et nous avons été idiots de risquer les chiens. Tiens-tu assez à la peau de cet ours pour tâcher de l'avoir à ma façon? Langdon fit un geste d'assentiment. Quel est ton plan? On ne peut pas toujours employer des moyens très propres. Commença Bruce, surtout quand on tombe sur un tueur. Tu peux être sûr que jusqu'à l'hivernage, ton grizzly s'arrangera pour avoir le vent en sa faveur. Comment? Il fera des détours. Je te parie que s'il y avait de la neige sur le sol, on découvrirait qu'il revient sur ses pas. Tous les 2 ou 3 milles, pour s'assurer qu'il n'est pas suivi. Et il ne se déplacera guère que la nuit. De jour, il se tiendra peinard dans les rochers des cimes. Si tu tiens à tirer beaucoup, il n'y a plus qu'une chose à faire, avancer et trouver d'autres ours. Je m'y refuse, absolument. Dis-moi plutôt comment faire pour avoir celui-ci. Bruce se tut pendant quelques instants avant de répondre. Nous sommes fixés sur l'étendue de son domaine. Il commence au premier col que nous avons franchi et se termine à l'endroit où nous sommes entrés dans cette vallée. 20 milles, aller-retour. Il ne touche pas aux montagnes à l'ouest de cette vallée-ci, ni aux montagnes à l'est de l'autre. Et il continuera à tourner en cercle tant que nous serons après lui. Il se dirige présentement vers le sud, de l'autre côté de la montagne. Nous n'avons qu'à rester tranquilles où nous sommes, sans bouger pendant quelques jours. Puis nous lancerons Metoussin avec les chiens, s'il en reste, par l'autre vallée là-bas, et nous remonterons celle-ci vers le sud en même temps. L'un de nous suivra les pentes, l'autre les bas-fonds, et nous irons doucement. Tu as compris? Ton grizzly ne quittera pas le pays, et Metoussin ne peut guère faire autrement que de le rabattre sur nous en cercle. Nous le laisserons pister la bête. Nous l'attendrons au passage. Ce serait bien rare si l'un de nous ne le voyait pas d'assez près pour lui envoyer un pruneau. « Ça colle, » accepta Langdon. « Je me suis d'ailleurs fait une entorse que je ne demande qu'à soigner pendant un temps. » À peine avait-il émis ces mots qu'un hennissement effrayé d'un des chevaux au piquet les fit se lever tous deux. « Outim, chuchota Métoussine, tu as raison, les chiens, » dit Bruce. Ils entendirent craquer les branches dans la broussaille autour d'eux, et l'instant d'après, deux des chiens parurent dans le rayonnement du foyer. Ils s'avancèrent en hésitant, se traînèrent presque sur le ventre, et comme ils se prosternaient aux pieds des chasseurs, un troisième et un quatrième les rejoignirent. Ils ne ressemblaient en rien à la meute qui était partie ce matin-là à poursuivre du grizzly. Leurs flancs étaient creux, leurs crêtes lamentablement plates. Ils étaient à bout de souffle, ils savaient qu'ils étaient battus. Leur hardiesse était évanouie et ils avaient l'apparence de chiens fouettés. Un cinquième sortit des ténèbres, il boitait et traînait une patte de devant déchirée. La tête et la gorge de l'un des autres étaient ensanglantées et il était aveugle d'un œil. Il semblait s'attendre à un châtiment. « Nous avons échoué !» proclamait leur attitude. « Nous sommes battus, et voici tout ce qui reste de notre vaillante compagnie. » Muet, Bruce et Langdon les contemplèrent. Ils écoutèrent, ils attendirent, en vain. Alors, ils se regardèrent. « Deux de plus de fichus !» émit Langdon. Bruce s'en fut chercher les laisses. En haut de son arbre, Musquois tremblait de toutes ses forces. À quelques mètres de lui, il renvoyait la horde au Croc-Blanc, qui avait pourchassé Tyr, et qui l'avait forcé, lui, à se réfugier dans la crevasse du roc. Des hommes, il n'avait plus grand peur. Il n'avait pas cherché à lui faire du mal. Mais les chiens étaient des monstres. Ils avaient livré bataille à Tyr. Ils devaient l'avoir battu, car Tyr s'était enfui. L'ourson s'était réfugié dans une fourche à 5 pieds du sol lorsque Métoussine passa auprès de son sapin en tenant un chien en laisse. L'air d'Ail le vit et bondit, arrachant la laisse des mains de l'Indien. Son saut le porta presque jusqu'à l'ourson. Il allait recommencer à bondir, lorsqu'avec un cri féroce, Langdon se précipita et le saisit par le collier. L'ayant fouetté d'importance avec le bout de la laisse, il s'enfuit l'attacher plus loin. Cet acte étonna Musquois plus que jamais. L'homme l'avait sauvé. Il avait battu le monstre à la gueule rouge et au croc blanc. Et fit attacher tous les autres monstres au bout d'une corde. Lorsque Langdon s'en revint, il s'arrêta auprès de l'arbre de Musquois et se mit à lui parler. Musquois lui permit d'approcher sa main sans tenter de mordre. Puis, une sensation étrange et délicieuse le parcourut. Tandis qu'il avait la tête un peu tournée, Langdon s'était mis à lui caresser le dos. Jamais sa mère ne l'avait touché si doucement, même du plat de sa patte. Langdon caressa Musquois pendant 10 bonnes minutes. L'ourson montra d'abord les dents, puis il se mit à ronronner. Rapide, l'écrivain le quitta et revint un moment après avec une tranche de caribou. Musquois flaira la chair crue que Langdon lui mit sous le nez, et chose curieuse, il recula. Finalement, Langdon déposa la viande à côté du poêlon au pied de l'arbre et s'en alla rejoindre Bruce qui fumait sa pipe. D'ici 2 jours, il me mangera dans la main, déclara-t-il. Le camp ne tarda pas à devenir très calme. Langdon, Bruce et l'Indien s'enroulèrent dans leur couverture et s'endormirent presque aussitôt. Le feu passa rouge sombre, et bientôt il n'y eut plus qu'une seule bûche rougeoyante. Un hibou fit entendre son ululement au plus profond de la futaie. Le ronron de la vallée et de la montagne emplit la nuit paisible. Les étoiles étincelèrent, plus brillantes. Il n'y avait plus rien à craindre maintenant. Tout dormait, sauf l'ourson à la frimousse brune. Prudemment, il se mit à descendre en embrassant le tronc. Il atteignit le pied de l'arbre et lâcha prise. Du coup, il faillit tomber dans le poêlon. Un peu de lait concentré lui jaillit à la face. Machinalement, il tira la langue et se mit à lécher ses babines. Le liquide épais et sucré que sa langue ramena l'emplit d'un plaisir inattendu. Pendant un quart d'heure, il se lécha. Et puis, comme si le secret de cette délicieuse ambroisie venait seulement de lui être révélé, ses petits yeux brillants se fixèrent avec convoitise sur le poêlon. Il s'en approcha avec précaution et stratégie, en fit le tour, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tous les muscles du corps tendus, prêts à bondir en arrière si la chose ronde inconnue tentait de lui sauter dessus. Finalement, son nez toucha le liquide épais et crémeux dans le poêlon. Il ne releva pas la tête avant d'en avoir lapé la dernière goutte. Le lait concentré fut le facteur principal de la civilisation de Musquois. Il savait que la main qu'il avait caressée si doucement avait également placé ce festin si délicieux au pied de l'arbre et que la même main lui avait également offert de la viande. Il ne mangea pas la viande, mais il lécha l'intérieur du poêlon jusqu'à ce qu'il brilla comme un miroir à la lumière des étoiles. Malgré le lait, il avait toujours grande envie d'échapper. Cette fois, ses efforts furent cependant moins frénétiques et plus raisonnés qu'auparavant. L'expérience lui avait appris qu'il était futile de tirer sur la corde. Il entreprit de la mâchonner. S'il l'avait rongée, toujours à la même place, il eût probablement conquis sa liberté avant le matin. Mais il se reposait fréquemment, quand ses mâchoires se lassaient, et lorsqu'il se reprenait à user la corde, ce n'était plus au même endroit. Vers minuit, il avait les gencives en sang et renonçait complètement à la besogne. Serré tout contre l'arbre, prêt à grimper au premier signe de danger, il attendit le matin. Il ne ferma pas l'œil une seconde. Bien qu'il fût un peu rassuré, il se sentait terriblement seul. Tyr lui manquait, et se mit à gémir si doucement que si l'un des dormeurs s'était par hasard éveillé, il ne l'eût pas entendu. Ceux qui l'eût joyeusement accueilli, Piponaskus, si ce dernier s'était risqué, à l'intérieur du camp. Le matin vint et Mithosine sortit le premier de ses couvertures. Il alluma le feu, ce qui réveilla Bruce et Langdon. Ce dernier, après s'être habillé, rendit visite à Musqua, et lorsqu'il vit le poêlon vide, il ne cacha pas son plaisir. Musqua s'était vivement installé dans la fourche de son arbre et il se laissa caresser de nouveau par Langdon. L'écrivain alla chercher une nouvelle boîte de lait condensé et l'ouvrit devant Musqua pour que celui-ci fût témoin du transvasement dans le poêlon. Il mit alors le récipient sous le nez et Musqua ne put retenir sa langue devant le beau liquide crémeux. En moins de 5 minutes, il lapait le contenu du poêlon tenu par Langdon. Mais lorsque Bruce s'en vint pour contempler le spectacle, l'ourson grinça des dents et gronda. « Les ours s'apprivoisent admirablement, » affirma Bruce un peu plus tard, tandis qu'il savourait son petit déjeuner. « Il te suivra partout comme un chien d'ici quelques jours, Jimmy. »« Je commence à l'aimer déjà, » répliqua Langdon. « Qu'est-ce que tu avais commencé à me raconter sur le conte des ours de Jameson l'autre fois ?»« Jameson habitait dans le district de Kootenay, » fit Bruce. « Un véritable ermite, ce type-là. Il ne descendait de sa montagne que 2 fois l'an pour chercher des vivres. Il avait apprivoisé des grizzlies. Je lui en ai connu un de la taille de celui que nous poursuivons. Il l'avait eu tout petit, et quand je l'ai vu, la bête le suivait comme un chien, quoiqu'il pesât plus de 1000 livres. Ils allaient à la chasse ensemble et ils dormaient l'un à côté de l'autre auprès du même feu de campement. Jameson aimait les ours et jamais il n'en eut tué un. Langdon demeura silencieux. Au bout d'un moment, il dit « Je commence à les aimer aussi, Bruce. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans les ours qui vous force à les aimer. Je n'en tuerai plus beaucoup, peut-être même plus du tout, que nous aurons eu la peau de ce massacreur de chiens. Ce sera vraisemblablement mon dernier ours. » Il serra les poings brusquement et ajouta d'un ton furieux « Quand je pense que la chasse n'est jamais fermée pour les ours, dans l'étendue du Canada, c'est une honte, Bruce. » On les a classés parmi les animaux nuisibles, et on peut les détruire en toute saison. Il est même permis de les sortir de leur tanière lorsqu'ils hibernent, de les en sortir avec leurs petits. Et j'ai sur la conscience d'avoir participé à pareille abomination. Nous sommes des brutes, Bruce, tant que nous sommes. Je pense parfois que c'est un crime de porter un fusil, et cependant, je continue à tuer. Nous avons ça dans le sang, répartit Bruce sans s'émouvoir. As-tu jamais connu d'homme, Jimmy, qui n'aime pas voir mourir? La foule n'est-elle pas furieusement dense autour d'une exécution? Les curieux ne se rassemblent-ils pas comme des chacals autour d'un cheval qui agonise dans la rue? Ne se bousculent-ils pas pour voir un type écrasé par une auto? Je suis sûr que si nous n'avions pas des lois qui nous retiennent, nous nous tuerions les uns les autres pour le plaisir. Nous sommes nés comme ça. Et qui peut-on? Allô? Qu'est-ce qui arrive à ton ourson ? Musqua était tombé du mauvais côté de sa fourche et pendait au bout de sa corde comme la victime du bourreau. Langdon courut à lui, le saisit ardemment de ses mains nues, le fit repasser par-dessus la fourche et le déposa doucement sur le sol. Musqua ne grogna même pas. Bruce et Mithosine furent absents du camp toute la journée. et Langdon demeura seul à soigner son genou qu'il avait fortement cogné contre un rocher, l'avant-veille. Il passa presque tout son temps avec Musquois. Il ouvrit une boîte de golden syrup, et vers midi, l'ourson le suivait autour de l'arbre, il tirait sur sa corde pour atteindre l'assiette chargée de la précieuse friandise. Il s'asseyait alors et Musquois montait sur ses genoux pour atteindre le sirop. Un ourson ressemble fort à un bébé ordinaire. Il aime le lait, les friandises sucrées et aime à se nicher contre les êtres qui sont bons pour lui. C'est l'animal le plus aimable et le plus affectueux qui soit, et il est si drôle qu'il déchaîne partout la bonne humeur. Plus d'une fois ce jour-là, Langdon éclata de rire au point que les larmes lui vinrent aux yeux, devant les drôleries de Musquois. L'ourson était fou de sirop. Jamais sa mère ne lui avait fait goûter d'aussi bonnes choses. Cela dépassait même en saveur le poisson procuré par Tyr. Tard dans l'après-midi, Langdon détacha la corde de Musquois et le conduisit en laisse jusqu'au ruisseau. Il portait l'assiette de sirop et de temps en temps il s'arrêtait pour laisser l'ourson goûter son contenu. Au bout d'une demi-heure de ce manège, Langdon lâcha le bout de sa corde et se dirigea vers le camp. Musquois le suivit. C'était un triomphe. Un frisson de plaisir parcourut les veines de Langdon. Il était tard lorsque Metoussin entra. Il fut tout étonné d'apprendre que Bruce n'était pas encore rentré. L'obscurité tomba, ils allumèrent le feu. Il finissait de dîner une heure plus tard lorsque Bruce parut portant quelque chose sur ses épaules. Il le jeta au pied de l'arbre derrière lequel Musquois était caché. « Une peau comme du velours et de la viande pour les chiens, » dit-il. « Je l'ai tué avec un pistolet. » Il s'assit et se mit à manger. Au bout d'un certain temps, Musquois s'approcha prudemment du cadavre qui gisait à quelques pas de lui. Il le flaira et un frisson étrange lui parcourut le corps. Puis il se mit à gémir doucement, en fourrant son nez dans la fourrure encore chaude. Puis pendant un long moment, il fut silencieux. La chose que Bruce avait apportée au camp et qu'il avait jetée au pied de l'arbre n'était autre que le cadavre du petit Pipounaskous.